panier. Tu n'es pas assez large. Moi, ma place, je m'y trouve bien. Elle est spacieuse et me permet l'aisance. Ma place n'engage à rien, comme l'atteste ma licence. Évidemment, je suis sensible et avide de reconnaissance. Mais dans ma démarche, je cible les longues distances. Se donner trop de peine pour une démarche avilissante, c'est con. Souvent la fin est la même, à savoir la cruelle descente. Des champions, oh ça non. Je reste confidentiel, mais je vibre. Vivre sans certaines illusions.